s'arrête, traverse mon âme en un instant, tout n'est que charme. Poursuivant mes rêves d'enfant que je refais de temps en temps, à la recherche de cet instant où elle dansera vêtue de lampe. Quel que soit le temps, dans 5 ans ou dans 30 ans, j'échangerai ma vie contre cette fille dans ce bel conscience, une revanche ou une chance. Si elle change à l'avenir en meilleur ou en pire, quel que soit ton avenir, je veux.